pense souvent à d'élite. Il est souvent question d'élite ces temps-ci. Puis tu dis que c'est difficile d'être une élite parce qu'on n'a jamais d'alliés. L'astral nous tire par en bas, puis l'intelligence nous tape dessus. Et savoir est-ce qu'on peut se faire des alliés? Bon, on va juste faire un retour sur l'astral qui tire par en bas, l'intelligence qui tape dessus. Si c'est trop fort, vous avez juste à lever la main, ils vont baisser le son un peu. C'est un peu fort. Premièrement, ce qu'on doit savoir très brièvement, c'est que l'individu qui se conscientise met au service de l'intelligence sa génétique, donc son corps physique. L'individu qui se conscientise commence à engendrer un double éthérique. Il faut comprendre aussi que les doubles éthériques, il y a un double éthérique attaché à chaque être humain, comme il y a un ajusteur de pensée attaché à chaque être humain dès leur naissance. Par contre, l'ajusteur de pensée n'est pas sous le contrôle du mental, donc l'ajusteur de pensée n'a pas suffisamment de créneaux pour pouvoir communiquer avec l'âme de l'humain. Deuxièmement, le double éthérique qui appartient à chaque être humain est un double éthérique de la grosseur d'une cellule. Et ce n'est pas suffisamment ample pour pouvoir contenir la totalité de la conscience d'un humain qui va évoluer. Alors, si on a un double éthérique, il faut évidemment le faire croître. Si on parle de cellules, on peut aussi prétendre presque justement qu'on n'en a pas de double éthérique, bien qu'il y en ait un tout petit. Au fur et à mesure de l'évolution de l'humain, il s'en égoïse. Il s'en égoïse et en même temps, il s'égoïse. Parce qu'il faut comprendre que les deux processus vont souvent de pair. C'est-à-dire que chaque fois que l'humain crée une anégoïsation, il y a donc une partie qui va engendrer un double éthérique. Et ici, deux heures ou deux semaines après, l'expérience actuelle de sa vie la fait réégoïser. Elle se réégoïse, elle aura encore un orgueil, mais elle a quand même grossi son double éthérique. Si la personne meurt, les doubles éthériques sont ramassés habituellement par des hiérarchies cosmiques, extraplanétaires, qui vont étudier le double éthérique. Ils vont étudier le double éthérique de l'individu pour pouvoir en recréer un similaire de façon à pouvoir se servir de l'expérience évolutionnaire de l'humain dans leur contexte planétaire où eux sont en phase d'involution. Alors, j'ai déjà expliqué que l'être humain était relié du plan planétaire à d'autres planètes involutionnaires et évolutionnaires et qu'à un niveau supramental, lorsqu'on atteignait un quanta d'énergie X, il y avait une fuite par des canaux séraphiques, et d'autres mondes bénéficiaient de l'énergie de notre évolution. Maintenant, ça c'est une chose. Donc, le double éthérique, s'il n'est pas suffisamment conscientisé dans le vivant d'un individu, il sert de laboratoire à d'autres formes hiérarchiques cosmiques qui vont étudier nos doubles éthériques pour pouvoir les recopier. Ils les altèrent de temps en temps, ce qui est involutif. Ils ne peuvent pas les voler, mais ils vont les étudier dans notre plan moronciel pour en refaire des clones, des copies dans leur plan E. Maintenant, il y a une autre petite chose qu'on pourra se servir si on veut parler de l'élitisme. C'est que l'être humain qui évolue ne doit pas s'identiser, c'est un terme qu'on a jusqu'à date, qui à un moment donné va être ajusté, fait référence au sinistre individu dominé par l'astral. Ces personnages, qui sont finalement la majorité des humains, ont une tendance dangereuse à sécréter d'avance, c'est-à-dire à voyager dans un continuum astral, dans des futurs possibles, pour pouvoir expérimenter égoïquement ces futurs possibles, de façon, parce que l'ego est toujours impatient, de façon à pouvoir les vivre avant que la matière le leur permette. Par le biais de leur corps physique, alors ils vont par l'imagination ou simplement par création devenir possible. Et c'est dans cette mécanique que l'astral tire par en bas, c'est-à-dire que si le corps physique de l'âme est effectivement un véhicule, et c'est un fait, un véhicule qui est beaucoup plus important que l'âme, c'est un véhicule qui doit s'adapter génétiquement, donc atomiquement, donc évolutionnairement, biologiquement parlant, de façon à être capable de supporter par son système cérébral et neuronique et nerveux l'intelligence supramentale, il est donc évident que le corps physique et les expériences amenées au corps physique sont les expériences sécrétatives, des expériences qui doivent amener la sécrétion hormonale. Et lorsque l'individu vit de l'expérience, il sécrète par l'émotion. Vivant de l'émotion, vivant des sécrétions, il mute l'âme et mute le monde de la mort parce qu'il l'instruit par l'émotion et il mute le corps physique parce qu'il l'instruit par sécrétion endocrinienne. Si l'individu visualise d'avance quelque chose et qu'il se visualise personnellement, donc si l'ego se visualise dans ce contexte, on a 99 à 100% des chances que ce contexte n'arrive jamais. On a 100% des chances qu'il n'arrivera jamais tel que visualisé, mais on a bien des chances qu'il n'arrive jamais du tout. Plus l'individu aura visualisé, plus l'ego aura émotivement sécrété dans le cœur physique, plus cet avenir possible sera éloigné. Ce qui fait que bien souvent, lorsque l'individu se conscientise, il a accès par l'intelligence supramentale à des visions d'avenir possibles de plus en plus intelligentes, de plus en plus éco et logiques, ce qui amène à l'ego une facilité à sécréter dans des mondes plus avant-gardistes ou avancés. Et nécessairement, lorsque l'ego joue ce jeu de sécrétion, on peut faire une équation mathématique dont la somme va être plus de souffrance, plus de problèmes, appauvrissement, danger du MTS, du martyr de la transition supramentale, parce que finalement, là où on doit aller pour finaliser notre évolution corporelle, l'ego y va avant le corps physique, sécrétant dans le passé, donc, vu qu'il est dans l'avenir, sécrétant dans l'immédiat, dans le passé de l'avenir, dans le corps physique, il rend inutilisable cet avenir du point de vue d'un système d'évolution, pour la simple raison que l'expérience ayant déjà été mémorisée, on n'a plus besoin de gruger cette partie du temps, nous l'avons déjà digéré, sans même aller là avec notre corps physique. Donc, plus l'être humain se conscientise, plus il a la faculté de voyager dans le temps, non pas dans le passé, mais dans l'avenir, et toutes les formes de passé voyageables sont des passés futurs, plus il se conscientise, plus il a la faculté de voyager dans l'avenir, ce qu'il ne conscientise pas nécessairement du point de vue de l'ego, c'est-à-dire qu'il pense qu'il a sécrété, il pense qu'il a préscientisé, il pense qu'il a imaginé, il pense qu'il a rêvé, parce qu'il met les vieux mots à de nouvelles conditions, mais en réalité, même si l'astral copie, ce qu'il fait maintenant n'est pas nécessairement du rêve ou de l'imagination, c'est un voyage dans le temps. J'ai déjà expliqué qu'on avait la faculté de voyager, de se déplacer dans le temps et dans la matière. Dans le temps, c'est plus rapide. Donc, de ce fait, on peut considérer du point de vue extra-humain que, étant donné que l'humain sécrète dans des futurs possibles, il les élimine, on peut en constater, on peut décider que c'est l'astral qui tire vers en bas. En réalité, c'est un phénomène évolutionnaire. L'intelligence frappe aussi de façon à ce que l'ego ne se prenne pas au sérieux dans la réussite de projets amenés par l'intelligence dans le contexte planétaire. Ça, c'est ce que j'ai dit aussi. Mais c'est toujours un facteur extra-humain. Si on le décortique un peu plus, on va découvrir que chaque fois que l'intelligence amène un projet sur le plan planétaire, une idée sur le plan planétaire, quelle que soit l'idée, même une guérison, c'est une idée ou c'est un projet, il y a de l'intelligenciation dans l'air. Cela peut être absorbé par le corps physique parce que l'ego est au courant. Immédiatement, l'ego commence à engendrer le même futur possible que ce qui est déjà en train de s'accomplir du point de vue de l'intelligence. Et là, on a une bilocation de transport. C'est-à-dire qu'on a un transport dans le temps par le corps astral et on a un transport dans le temps par le corps séraphique. Au niveau de l'intelligence supramentale, donc au niveau de l'ajusteur de pensée, bien souvent du double éthérique. C'est-à-dire qu'il y en a un qui annule l'autre. C'est ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il y a un qui va dans l'avenir chercher des trames pour les réincarner dans le présent, parce que j'ai déjà expliqué que dans certains cas, l'humain sera capable de réincarner de l'avenir et non pas seulement du passé. Donc, il va être capable d'éliminer des contingences de l'avenir parce qu'il va être capable de faire ce que dans l'Antiquité, l'humain ne faisait pas. Dans l'Antiquité, nous avons digéré le passé et nous digérions le présent. Aujourd'hui, des humains sont capables de digérer le passé, ils l'ont dans leur génétique, de digérer le présent et de commencer déjà à bouffer l'avenir. Mais ça, quand ça devient conscient, est-ce que c'est l'ego? C'est parce que c'est l'ego qui le récupère? Non, quand ça devient conscient, il faut savoir premièrement que plus nous devenons puissants, plus notre ego devient instruit. Donc, plus il devient puissant du point de vue du mimétisme de l'intelligence. Oui. Il pourra mieux copier l'intelligence. Si je vais dans une trame séraphique, voir un futur possible, que je décide, que ma conscience supramentalisée décide d'atterrir dans l'actuel, je n'ai pas un libre-arbitre total, je suis manipulé à aimer des choses et je ne peux choisir que dans ce qui a déjà été fait. Et ça, tu n'élimines pas ce futur possible-là quand tu fais ça? Au niveau supramental, non, je l'attire au niveau planétaire. Par contre, l'attirant au niveau planétaire, immédiatement, mon cerveau va tendre à structurer d'une façon mentale la visualisation présciente de cet avenir possible. La structurant mentalement, il crée un nombre de formes électromagnétiques qui est une pensée. La pensée est nécessairement digérée par l'ego, et maintenant l'ego a la faculté immédiate, parce qu'il est impatient, d'où l'importance d'être patient, l'ego a la faculté immédiate de, par transport astral, d'immédiatement se diriger vers cet avenir pour aller le vérifier, pour aller le vivre, avant que le corps physique y arrive, donc finalement avant que le mental et que la conscience supramentale, dans l'instantanéité, puissent tout cela ensemble fusionner et parvenir. Et parce que l'ego va maintenant là, il crée les mutations nécessaires au corps physique, interdisant dans ce corps-là, l'atterrissement de ce futur possible. Donc, de ce point de vue, lorsque l'ego est venu gruger là-dedans, l'intelligence ne vibre plus l'importance de l'atterrir là. Il va se chercher un autre corps physique pour l'atterrir, c'est plus logique. Et de ce point de vue, si on ressort encore de l'humain, on peut prétendre que l'intelligence, non seulement l'astral te tire par en bas quand tu te conscientises pour te faire chier, mais qu'en plus l'intelligence tape dans ton ego pour que celui-ci ne s'égoïse pas plus. Mais comme je viens d'expliquer la mécanique, il y a donc un parallélisme astral qui s'établit très rapidement lorsqu'on a une préscience supramentale. Donc, chaque fois que nous avons des idées intelligentes, qu'on considérerait comme étant intelligentes, à appliquer dans le contexte planétaire, c'est là qu'on doit travailler mentalement, qu'on ne doit pas se visualiser là. Que la différence, ça peut être dans la visualisation. Ça ne peut pas être. C'est ça qui est l'ego. Quand tu visualises, c'est l'ego. Oui. Quand tu penses, c'est l'ego aussi qui pense. Automatiquement. Donc, comment percevoir que c'est uniquement supramental ou mental? Faut même pas que tu y penses. Y penser, non. Par contre, il y a la parole dans la tête, ça va de soi. Mais il y a aussi une autre forme de parole. Qu'est-ce que la pensée? La pensée, c'est lorsqu'un individu se chiale lui-même. C'est lorsqu'un individu crie contre l'univers. C'est lorsqu'un individu maudit Dieu. C'est lorsqu'un individu chiale contre la température, comme s'il changeait quelque chose. Ça, c'est de la pensée. Ce n'est pas logique, ce n'est pas conséquentiel, ce n'est pas efficace, ça ne donne rien. À part nourrir le monde de la mort, mais pour l'intelligence de l'homme, ça ne donne rien. Maintenant, qu'est-ce que ça, c'est la pensée telle qu'on l'a déjà, telle que je l'ai déjà expliqué. Il y a aussi la parole dans la tête. Comme il y a la pensée à haute voix, il y a la parole à haute voix. Mais ce qu'on doit savoir aussi, il est temps qu'on le sache, c'est qu'il y a d'autres formes de paroles. Et donc, il y a d'autres formes de paroles dans la tête et d'autres formes de paroles par la voix. La pensée, c'est aussi, non pas seulement un cheval, la pensée, c'est aussi la visualisation d'un cheval. Si la pensée est capable d'être formique, en forme, et d'être orale, sans être une parole dans la tête, on doit considérer qu'il devrait y avoir une correspondance orale de cette pensée formique. Donc, je peux penser à un cheval oralement avec des mots. Je peux visualiser, ça reste de la pensée, je peux visualiser mon cheval. Je peux dire un cheval. Maintenant, puis-je dire la visualisation du cheval? C'est ce qu'on appelle la forme. Et on peut, si on apprend à se servir de la forme. Premièrement, est-ce que cela voudrait dire qu'on pourrait créer un cheval à même la parole? Oui. Mais là, ça, c'est encore dans le domaine de la pensée. Non. Ça devient... C'est où la transition où c'est supramental, là? La transition, elle est simple à faire quand on est mental ou supramental. Elle n'est absolument infaisable lorsqu'on n'est pas suffisamment dégagé de son astral, lorsqu'on n'est pas suffisamment mentalisé. Non, en ce moment, il y a des êtres humains qui ont plusieurs paliers puis peuvent, à un moment donné, chuter dans l'astral et remonter... C'est où qu'ils doivent faire attention? Lorsqu'ils chutent dans l'astral, ils ne peuvent plus s'en rendre compte. C'est lorsqu'ils sont en haut qu'ils peuvent percevoir que l'astral tend à les récupérer. Mm-hmm. Lorsqu'ils sont récupérés, ils devront attendre qu'énergétiquement ou que quelqu'un d'autre, qu'un événement les repousse en haut. Ce que je dis, c'est qu'il y a... On doit travailler, de toute façon, on n'est pas encore capable. On est capable de discerner une parole dans la tête et une pensée dans la tête. La parole, on l'entend. On la paramètre, on la sait, on la vit. Je vais la tuer. Mais non, la tuer, c'est idiot, niaiseux, la tuer. Je vais, et tu t'entends parler. C'est de la parole. C'est donc ton ajusteur de pensée qui travaille. Si tu parles et que tu t'écoutes parler, nécessairement, c'est mental. Si tu parles et que tu ne t'écoutes pas parler, tu peux te rappeler l'essence de ce que tu as dit, peut-être même les mots, mais tu ne t'es pas écouté parler à l'instant où tu parlais, tu pensais à haute voix. Si tu penses dans ta tête, de toute façon, tu n'écoutes pas ce que tu penses maintenant dans ta tête. Alors, lorsque je dis que dans la tête, on peut visualiser un cheval, on peut aussi par la parole, c'est-à-dire ce n'est pas nécessairement par la parole, mais on peut supramentalement atterrir un cheval sur le plan planétaire. Donc, à partir de ce phénomène, si on se sera développé, mais on peut comprendre l'idée qu'on peut voyager dans une trame de l'avenir qui existe, la réincarner, c'est-à-dire aller la digérer, la voler de l'avenir, la descendre dans notre conscience supramentale, et on sera capable, lentement, de la matérialiser quelque part sur la matière atomiquement, pour que notre cœur atomique puisse aussi s'en servir, c'est-à-dire que là, on aura eu la parole formique, comme on peut avoir la pensée formique. Sauf que si on se met à penser à la chose, on va par transport astral visiter cette trame et on vient amener dans le corps physique l'expérience qui, du point de vue de l'intelligence, l'intelligence qui n'a pas de plan bouddhique, donc une intelligence qui se fout de ce que l'homme va vivre, qui, du point de vue de l'intelligence, rend totalement inconséquentiel et illogique le fait que l'humain, avec ce corps-là, puisse vivre l'expérience devenant inutile pour l'humain. Ce qu'on doit comprendre, c'est que quand un corps physique vient d'évoluer d'un iota, le million de dollars qu'il devait gagner, il ne donne plus. Pourquoi? Parce que c'est pas important qu'il soit heureux. Pas du point de vue de l'intelligence. Du point de vue bouddhique, on pourra revoir la chose, mais il faut que l'humain ait un contact bouddhique. Supramental ou bouddhique. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le milliard ou le million de dollars soit quelque part sur la planète Terre, entre les mains de quelqu'un qui va de toute façon faire ce que l'intelligence veut qu'il fasse avec. Mais est-ce que l'humain qui devra accomplir l'intelligence doit être intelligent? Pas nécessairement. Ça dépend de sa possibilité manipulatrice astrale et de l'astral qu'on pourra manipuler par l'intelligence. Oui, mais c'est mieux d'être le gars qui est moins intelligent, qui se fait manipuler par l'intelligence, qui reçoit $1 million, oui. Qu'il y a l'autre qui évolue, puis qui se ramasse avec la souffrance. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas d'alliés. On n'a pas, plus tu évolues, tu n'as pas d'alliés, parce que tu n'as ni l'intelligence. Il y en a des alliés. C'est ça, c'est les... C'est bien caché, on va revenir. Si tu n'as pas d'intelligence, que tu es manipulé par l'intelligence pour accomplir, tu dis c'est mieux. La problématique, c'est que c'est ceux-là qui se font crucifier et qui perdent la tête. Ouais, c'est pas mieux. Si par contre, tu as de l'intelligence et que tu as de la conscience en même temps, c'est plus subtil. C'est-à-dire que tant que tu es un animal, on te permet de déféquer partout. Mm-hmm. D'un coin de rue, on ramasse, nous autres, on est des caves. Mais maintenant que tu es un humain, tu peux plus foutre aux toilettes. Mais t'es pas hier à ramasser la marde des autres. Ouais, c'est ça. Hein? La marde des chiens. Ils ont tout partout parce qu'on se dit, oui, mais c'est un chien, il ne peut pas demander d'aller aux toilettes. Mais c'est ça que ça est un chien. C'est alors, on se dit, oui, mais tant qu'à déféquer, autant être un chien. Mm-hmm, c'est ça. Sauf que c'est nous autres qui choisissons l'animal du chien. C'est nous autres qui allons choisir où il va coucher. C'est nous autres qui contrôlons tout. Ouais, alors, pas... on peut se plaindre et vouloir être un chien, mais si on est un peu plus conscient, c'est mieux d'être un humain et d'aller aux toilettes. Oui, mais actuellement, l'affaire, c'est qu'on ne choisit pas son aliment. C'est quand est-ce qu'on va choisir on son aliment? On choisit déjà mieux que l'inconscient. Non, mais l'inconscient, je fais encore pire que nous autres. Évidemment, il faut faire attention. Pendant que le chien est en train de se dresser lentement debout, qui n'exige pas immédiatement toutes les prérogatives de l'homme. Mais est-ce qu'il y en a des hommes? Bah oui, il y en a. Mais je reviens encore sur ce phénomène, mm-hmm. juste avant. Lorsque l'intelligence est dans un corps physique ou la conscience du corps physique est capable de conscientiser l'intelligence, le facteur est on peut, dans les quelques années à venir, influencer suffisamment les trames du temps, puis je parlais aussi dans une conférence régulière, pour pouvoir atterrir de l'avenir dans le présent. Mm-hmm. Donc, cela voudrait dire amener du neuf, c'est la même chose. Atterrir donc du neuf dans le présent, à l'exclusive condition qu'on n'ait pas un parallélisme astral qui se déploie en même temps. Je dis ceci pour une bonne raison. Plus cela va aller, plus les personnages qui évoluent, qui se conscientisent, auront de ce genre de contact avec l'avenir. Et parce qu'ils se conscientisent, si l'ego n'est pas au courant de la problématique, l'ego veut tellement la voir qu'il le perd. Alors, si l'ego est au courant de la problématique, il peut permettre, donc autoriser le mental, à reprogrammer des parties de l'ego pour que l'ego sans souffrance soit capable maintenant de ne plus voyager dans des trames astrales pour aller finalement détruire ce qu'il veut absolument avoir. C'est comment il peut faire ça, l'ego, cette reprogrammation-là? L'ego, il doit premièrement juste savoir ce que je viens de dire. C'est tout. Après ça, il s'en mêle plus. Après ça, il y a des questions à poser, c'est de l'information qu'il a besoin pour pouvoir se calmer. Et par la suite, l'humain doit savoir au minimum une chose, c'est que quelle que soit la sécrétion, donc le transport astral dans un avenir possible, ne vous visualisez plus jamais là. Et on doit s'arranger pour, à l'instant où le corps commence à prendre plaisir, donc en réalité c'est l'ego qui l'exprime, dans une visualisation astrale de quelque chose, immédiatement, il faut mettre suffisamment de transformation, donc il faut ajuster la pensée pour la déformer. Exemple, tu te vois gagner la loterie, et tu commences à jubiler, immédiatement tu transformes l'affaire, tu te visualises là, tant qu'à être pris là, tu te visualises, le billet est en faux, le feu prend dans le billet, tu sors de là, tu te fais tuer, il y a un avion qui tombe dessus, ouais, tu démolis, il n'y a aucun danger, tu démolis simplement. Non, mais il n'y a pas le danger que, étant donné que tu as pris cette trame-là, que là, finalement, c'est pas ça qui va arriver, mais tu vas te noyer, le billet va... Non, parce que vu que tu viens de détruire totalement le fait que tu gagnais, de toute manière, ça, tu viens de l'éliminer. Donc, tu n'as pas le danger de projeter dans... Du danger dans tout, de toute façon. Oui, c'est vrai. Mais là, tu viens d'éliminer une chose. Mm-hmm. Alors, au lieu de... Si on découvre qu'on est en train de se faire avoir, on doit changer immédiatement toute la structure au complet pour la faire négative. Ce que j'appelle, moi, s'écœurer. C'est une technique d'écœurement. Mm-hmm. L'écœurement, c'est de toujours travailler dans des directions où on ne veut pas aller. Et de faire comme si on était là ou comme si on devait y aller, de sécréter là-dedans. Alors, c'est ce que l'ego doit faire. Mm-hmm. Pour éliminer le parallélisme. Autrement dit, on a quelque chose de bien, on commence à voyager astralement là-dedans, puis là, on doit transformer immédiatement la chose pour l'envoyer ailleurs. Plus on le fait vite, plus la trame reste intacte. Et elle devra changer quelque peu, mais elle restera intacte. Est-ce qu'on travaille mieux avec un ego écœuré qu'avec un ego calmé? On travaille mieux quand on travaille bien. Et on travaille bien quand? Ça dépend des individus. Il y en a qui travaillent bien quand l'ego est écœuré, d'autres quand l'ego est calme. Ça dépend simplement de la puissance du mental. Bien souvent, par contre, un ego calme ne stimule pas le mental. Le mental n'est pas assez développé, donc l'individu attend. Un ego écœuré pousse le mental, bien, pousse l'ego à solliciter le mental pour lui dire « sors-moi de là, fais quelque chose mm-hmm. ». Alors, normalement, on travaille mieux qu'un ego écœuré, à la condition qu'on ait un mental suffisamment capable de se détacher de l'ego pour pouvoir se servir de l'énergie que l'ego lui donne. Là, l'ego lui donne de l'autorisation. Et un mental quand même assez développé pour pouvoir, une fois autorisé, être capable de travailler convenablement pour descendre de l'intelligence dans la matière, tout en confinant l'ego à ne pas sécréter dans la même trame en parallélisme. Et il y a un autre danger à ce que tu dis, c'est étant donné que l'ego ne se perçoit pas au moment où il pense, il peut même penser qu'il est mental au moment où il visualise. Oui, mais le mental ne pensera pas qu'il est mental, le mental le sera. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des individus qui vont se croire mentaux quand en fait ils sont astro, et qui et donc c'est là à ce moment-là que deviennent des sidas, des sinistres individus dominés par l'astral. Et donc c'est ça, c'est le phénomène de confiance dans l'élite. C'est que là on se retrouve avec une élite où certains membres de l'élite ne peuvent même pas faire confiance aux autres personnes qui sont devenues des sidas bien souvent. C'est que, oui, bon, premièrement, on ne peut pas faire confiance à l'animal humain. On peut manipuler l'animal humain, mais l'animal humain a un défaut majeur, c'est qu'il est évolutif. Donc, tu peux manipuler des animaux humains, et tant que tu manipules les animaux humains, tu peux évidemment avoir une forme de garantie de ce qu'ils vont faire. La problématique, c'est que l'animal humain étant expérientiel, par ta manipulation, il va de toute façon évoluer, jusqu'au jour où il va découvrir que tu le manipulais, et là, il change. Donc, tu ne peux pas faire confiance à un animal humain pendant quelques millions d'années. À un moment donné, c'est évident qu'il va se révolter. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'être humain, celui qui a une conscience supramentale? Oui, et ça, on reviendra, c'est à développer. Par contre, il y a un danger majeur dans l'évolution de l'animal humain vers le conscientisé. C'est le MTS, le marché de la transition supramentale. Évidemment, il y a le sinistre individu qui est dominé par l'astral, c'est-à-dire la majorité des humains, qui vont, tout au long de leur temps, en perdre à penser contre toi, à parler avec des gens, contre un autre là-bas, parler contre ci, parler contre ça. Ils détruisent dans l'astral. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent ils investissent suffisamment d'énergie dans l'astral pour créer une main manipulatrice qui va aller chercher l'individu qu'on haït pour le forcer à devenir comme on veut qu'il soit. C'est-à-dire, débile, traître, etc. Donc, on a une personne, on va lui dire, ouais, mais cette personne-là est dépressive, puis c'est si, puis on en parle. Et lentement, on sidatise, c'est-à-dire qu'on crée dans l'astral suffisamment de force manipulatrice pour ramasser l'individu en question, puis l'envoyer en dépression. Là, on pourra se dire, on le savait. Bon, ouais. Ça facilite les choses. Ça, l'individu peut facilement contrôler ça lorsqu'il apprend ce qu'est la sidatisation et lorsque le mental est capable d'en voir les conséquences. La grosse problématique va se poser lorsqu'un individu, juste avant, il y a l'individu spirituel qui évolue. Il y a l'individu qui n'est pas spirituel ou qui l'est peut-être un peu, mais beaucoup moins, et qui est intellectuel et qui évolue. Et il y a à peu près pas d'individu mental de base qui évolue. Il y a un individu totalement mental, normalement, doit soit qu'il devient un ajusteur collectif, soit qu'il rencontre un ajusteur collectif pour devenir mental. Alors, il y a donc ces deux formes d'individus. À travers l'évolution, j'ai rencontré beaucoup d'intellectuels, des personnages qui ne peuvent comprendre, qui ne peuvent sentir, qui ne peuvent vitalement percevoir quoi que ce soit, parce que l'intellect est une faculté du mental naissant, totalement basée sur l'expérience de l'ego, à travers la perception sensorielle des cinq sens conventionnels. Donc, l'intellect ne peut se fier que sur l'expérience sensorielle qu'il a vécue, et il ne peut donc se fier sur quoi que ce soit qui est extrasensoriel physique, donc il ne peut pas se fier sur les expériences vitales. Cela veut dire que l'intellect ne peut se fier sur l'intuition, que l'intellect ne peut comprendre le contact supramental, que l'intellect ne peut comprendre la perception vitale. Donc, un être humain qui est rendu à la phase d'intellect, d'intellectuel, c'est la phase prémentale, mais c'est une phase pénible, et c'est là qu'on devient MTS, c'est-à-dire qu'on peut devenir MTS. L'individu qui est spirituel, qui est astralisé, ne peut pas devenir un martyr de la transition supramentale. L'individu qui est mental ne peut pas devenir un martyr de la transition supramentale. L'individu qui est un intellectuel, lui, risque beaucoup de devenir un martyr de la transition supramentale. Alors, comprenons ce qu'est l'évolution d'un individu. L'individu est spirituel, c'est-à-dire que l'individu fonctionne à partir de la croyance. Alors, il croit à ses parents, il croit à sa mère, il croit à son père, il croit en la vie, il croit à l'école, il croit à la société, il croit en Dieu, il croit aux anges, il croit à des choses. À un moment donné, vers l'adolescence, il découvre que ses parents sont des humains, ils ne sont pas des dieux. Alors, il ne croit plus peut-être à ses parents. Lentement, il est confronté à la dure réalité d'un monde pourri d'adultes. Quand il était jeune, on lui fournissait cela, puis on lui disait, plus tard, il va tout avoir. Bon. Le maintenant, rendu plus tard, il ne peut pas tout avoir, il faut qu'il travaille, il faut qu'il peine, il perd son emploi, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Et le comble, en plus, peut-être qu'il y a même des enfants pour le faire ramasser encore plus. Alors, de désillusion en désillusion, sa croyance oblige l'évolution de l'intellect, donc du mental dans le périsprit de l'âme. Et le mental prend de plus en plus de puissance jusqu'au jour où le mental va être suffisamment dégagé de la centricité de l'ego, donc de l'âme, pour pouvoir décoder d'une façon plus ou moins logique une mécanique esclavagiste, mécanique de l'astral, dont l'ego a toujours été soumis, envers laquelle l'ego a toujours été soumis. Donc, notre intellect va maintenant informer l'ego qu'il était manipulé ou qu'il l'est encore, qu'il est ceci, qu'il y a ce ça, qu'il y a cela, cela, cela et cela. Exemple. Lorsque nous avons vécu dans le passé, s'il était totalement impossible pour une conscience humaine de supporter une condition aussi dévastatrice que la vie planétaire sans le support de la spiritualité et des religions. Essayez de vous imaginer, vous, aujourd'hui, et c'est facile, vous allez voir immédiatement qu'est-ce que ça va donner, refaire un retour 300-400 ans en arrière, où on n'a pas d'eau chaude, où on n'a pas d'eau courante, mais on court après l'eau, où on n'a pas de toilette, où les égouts sont à ciel ouvert et la marde et toutes les détritus alimentaires vont là-dedans, c'est dans les rues, où il n'y a pas d'automobile, on doit marcher à la pluie, ramasser, aller dans les champs, où il y a des impôts imposés par les soldats des rois, où il y a tout ce que, de toute façon, vous ne pourriez supporter. Alors, prenons l'exemple de l'humain qui n'a plus de spiritualité, puis rétrogradons-le quelques centaines d'années en arrière, il se suicide instantanément. Alors, nous pouvons considérer que nous sommes plus puissants qu'avant à supporter de l'intelligence, mais pas nécessairement à supporter la Terre. Alors, si l'être humain d'aujourd'hui se retrouve quelques centaines d'années en arrière, s'il ne veut pas mourir, il devra immédiatement éliminer le mental, l'intellect, l'intelligence et se respiritualiser immédiatement. Parce que nous, nous sommes de plus en plus libérés de l'attraction harimanienne du contexte planétaire, parce que nous avons de plus en plus de confort, ce que Harriman appelle le luxe, nous avons maintenant la capacité d'abandonner le spiritualisme qui nous permettait de supporter notre condition d'animal dans la boue pour maintenant mentalement ou intellectuellement nous abonner à une autre source d'information, le plan supramental, parce que nous avons un contexte matériel un peu plus confortable. Par contre, l'intellectualisme, c'est un piège. Est-ce qu'on... C'est une nécessité, et comme toute forme de nécessité, lorsqu'elle devient importante, devient un piège très destructeur. Mais on ne peut pas passer de la spiritualité au mental. Non. Comme ça, les habitants qui avaient le gros bon sens, beaucoup plus mental qu'intellectuel. Oui, par contre, leur gros bon sens était bien souvent spirituel. Et c'était les jésuites, c'était l'organisation théologique qui pouvait leur amener. Par la suite, il y avait la programmation astrale. Leur gros bon sens était une sagesse acquise à travers le temps. Et bien souvent, à l'époque, on avait le gros bon sens quand on était âgé. On ne l'avait pas quand on était jeune. C'est encore un peu le même aujourd'hui, mais il y a une tendance à ce que le gros bon sens rattrape lentement la jeunesse. Ce qu'on doit donc comprendre, c'est que notre être aujourd'hui, nous avons une évolution spirituelle. De quel genre? Par exemple, ceux qui font confiance à Daniel Kemp sont dans un cadre d'évolution spiritualisée. Ils peuvent développer leur intellect, leur mental, des parties mentales qui se développent, mais ce n'est pas un vrai mental. On n'a pas de vrai mental tant qu'on a une spiritualité. Mais quand tu dis ceux, est-ce que tu dis la globalité de ceux qui suivent Daniel Kemp? La majorité, non, bien 100% de tous ceux qui vivent comme je le dis. Mais comme tu viens de dire, mais c'est pas tous ceux qui suivent Daniel Kemp. Non, c'est pas tous ceux qui suivent. Oui, c'est tous ceux qui suivent Daniel Kemp. C'est tous ceux qui suivent Daniel Kemp. C'est pas tous ceux qui travaillent avec. Non, je comprends. C'est aucun de ceux qui travaillent avec. Ah, okay, tu sais qui mais suivent. C'est tous ceux qui suivent. Okay, voilà. Bon. Maintenant, est-ce que c'est grave de suivre Daniel Kemp? Non. C'est grave de suivre quoi que ce soit, mais si on comprend ce que je viens d'expliquer, moi, si je me ramasse 300 ans en arrière, je vais sans doute me développer d'urgence une spiritualité. Parce que mon ego en dedans ne pourra pas rien faire. Avec tout ce que j'ai, avec tout ce que maintenant il peut avoir accès comme information au niveau du mental, il ne pourra pas vivre. Moi, je m'en vais donner une conférence à Québec, alors je pars maintenant. C'est quand la conférence? Dans 3 mois et demi. Bon. Puis quand j'arrive là-bas, eh bien, je couche dans une grange avec du foin, je mange un peu, je chasse les mouches qui peuvent encore voler, je mange les autres. Et lorsque j'ai froid, eh bien, on se colle les 25 les uns contre les autres, on se lave pas, ça fait fuir les mouches. On aura besoin d'une spiritualité quelque part. Pourquoi la majorité de ceux qui se mentalisent, à un moment donné, deviennent super frustrés, deviennent impatients? Ils ont plus suffisamment de spiritualité pour être capables de supporter leurs conditions de vie. Mais ils ont suffisamment de mental ou d'intelligence pour connaître la condition de vie dans 500 à 1000 ans. Et ils se disent, oui, mais là, leur mental vit là-dedans et leur corps vit ici, alors là, ils deviennent totalement frustrés parce qu'ils n'ont plus suffisamment de spiritualité pour supporter ou attendre, pour supporter la condition actuelle qui, pour eux, devient totalement débile, aussi salope que là, 300-400 ans. Ça veut dire que quelqu'un qui a un mental, c'est sûr qu'il réincarne des mémoires du futur. Oui. C'est pour ça qu'il... Alors, il risque donc de souffrir. Et là, s'il y a encore juste trop d'ego pour faire un parallélisme de voyage, tout ce qu'il vit dans l'avenir, il le détruit dans le présent, donc il ne fait que souffrir. Mais là, c'est un individu qui souffre, ce que j'appelle le conscientisé. Maintenant, ce que j'explique là, moi, c'est que on se rapproche suffisamment spiritualisé, même s'il développe de l'intellect et du mental, il n'a pas un mental totalement libre, c'est une question spiritualisée. Et la spiritualisation de l'astral permet justement de protéger le corps physique d'une agression trop violente, d'une vision mentale, alors que le temps n'est pas encore prêt. Le temps ne s'y prête pas. Donc, notre individu, celui qui croit encore en moi, celui qui, par exemple, croit en Daniel Kem, celui qui aime peut-être pas le personnage, mais qui a besoin de l'énergie ou qui a besoin de l'information, soit parce que cela le nourrit énergétiquement, soit parce que cela le sécurise, soit parce que cela lui donne une raison de vivre, soit que, quelle que soit la raison. Cette personne-là, elle est encore dans une phase spiritualisée d'évolution supramentale. Ce n'est pas grave, c'est correct. J'explique même que c'est essentiel. Lorsqu'elle va avoir un mental presque suffisamment autonomisable, donc qui peut devenir autonome, il y aura, à un moment donné, une séparation, c'est-à-dire que la spiritualité devra tomber. La spiritualité tombant, je ne parle pas d'un morceau de la spiritualité qui tombe. C'est graduel. Une petite chose tombe, une autre chose tombe, une autre chose tombe. Mais à un moment donné, c'est le morceau complet de spiritualité qui va tomber. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « Moi, je ne suis plus spirituel. » C'est qu'ils ne sont plus théologiquement spirituels. Ils n'adorent plus le Dieu, ils vont adorer l'homme, ou la matière, ou une idée, ou quelque chose. Alors, ça reste la spiritualité, mais ce n'est pas grave. Prenons l'exemple du projet OVSA. Vu que tout le monde spiritualisait, tout le monde voyageait astralement dedans, donc on le détruisait carrément, du point de vue de l'atterrissement d'un phénomène à venir, à aujourd'hui. Donc, il y a de la spiritualité. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, toute cette spiritualité-là, ici, tombe. Il ne reste plus rien. Vu qu'il ne reste plus rien, il reste l'intellect, il reste l'ego. Il reste l'intellect, et l'intellect est donc le mental naissant, avec des parties plus ou moins libérées du mental, mais... Étant donné qu'il n'y a plus de spiritualité et qu'il ne reste que l'intellect, immédiatement, l'individu qui était dans sa phase spirituelle passe à une phase intéressante qu'on appelle l'intellectualisme, un intellectualisme puissant, où là, notre individu, libéré de tous les besoins émotifs, astro ou égoïques, devient un fou, une folle, libéré. C'est-à-dire qu'il n'a pas suffisamment d'intelligence encore chez lui, mais il n'a plus l'entrave de la spiritualité. Alors, c'est un individu qui, à un moment donné, va subitement découvrir que l'ajusteur de pensée, c'est un concept. Plus besoin de concept, pas pour vivre, plus besoin de rien. Et là, ce qui lui arrive, lui, c'est qu'il devient dangereux, c'est-à-dire que là, il commence à ramasser l'argent, il peut même voler quelqu'un. Il commence, évidemment, il ne suit plus les structures évolutives qui l'ont emmené là jusqu'à date. C'est l'individu qui va dire « Ah ouais, mais les religions, c'est des imbécilités. » Il peut aussi dire « Ouais, mais Daniel Kem, ben, c'est écœurant comment il manipule les gens. » Dernière fois, j'étais à sa conférence, je l'ai regardé faire, et puis la façon dont il parlait, c'était... Ça a toujours été comme ça. C'était une communication. C'est-à-dire que cet individu-là est inécologique. Il ne peut pas l'être, il devient l'intellectualiste, c'est-à-dire que l'intellectuel ne peut pas comprendre l'intelligence. L'intellect ne se fie qu'aux mémoires. L'intellectualité, c'est la façon, c'est une forme logique de structurer les mémoires expérientielles de l'ego. Donc, il ne se fie qu'à l'ego, il désémotivise suffisamment les choses, même s'il vit encore de l'émotion par son corps physique, même s'il la refuse ou la rejette ou ne la conscientise pas. Sauf que maintenant, toutes les structures qui ont été établies pour lui permettre de monter là, sont des structures qui font partie de l'évolution, des structures qui font partie de l'illusion, donc de la forme, des structures qui font partie de la manipulation. Et maintenant, il les rejette, mais il rejette toute forme de structure qui peut ressembler à ça, parce que son intellectualisme lui suffit. Étant donné qu'il n'a plus d'ego suffisamment spirituel, il ne souffre plus dans sa conscience astrale de la souffrance spirituelle, ce qui, à l'époque, était la seule source d'intentionnalisation du progrès ou de l'évolution. Parce que je souffre, je veux avancer. Maintenant que je ne souffre plus, la réincarnation, on n'a pas besoin de ça pour vivre, c'est des concepts, ça n'a rien à voir là-dedans. La vie après la mort, la vie avant la mort, la génétique, la cellularisation, qu'est-ce qu'on a à foutre avec tout ça? Moi, je me suis maintenant libéré de ça, j'ai plus besoin de ça, tel parle l'intellectuel. Mm-hmm. Moi, maintenant, je fais juste vivre au jour le jour, puis j'ai plus besoin de ça. Quand quelqu'un vient m'écœurer, je dis en pleine face, ça va pas, j'ai maudit mon poing dans le visage, je m'en vais. Tout est le karma, l'écologie, le ci, le ça, toute la complexité, les techniques, les prières, les dieux, les égrégores, c'est tout des concepts. Moi, je bois mon verre de lait comme ça me plaît, puis ça finit là. Dans ceux qui te suivent, il y en a plusieurs qui sont spirituels. Tous ceux qui me suivent? Oui, tous ceux qui te suivent. Bon. Donc, ils sont susceptibles de devenir intellectuels. Oui. Mais c'est quoi ton intérêt à être assis sur une bombe? J'ai aucun intérêt à être assis sur une bombe. Mais c'est ce qui se produit. Bien, c'est que tous les sièges sont des bombes. Comme Falabin, je m'assois quelque part. Mais là, de quelle façon tu vas contrer cette bombe-là? En la désamorçant. Et comment la désamorcer? Ben c'est ça. En expliquant ce que j'explique aux gens. En les mettant en garde contre des dangers. Mais, oui. Étant donné que les MTS, il y a quelques personnes supraplanétaires qui font un travail d'antenne supramentale collective. La majorité des MTS sont apparus à l'extérieur de ceux à qui j'ai parlé. Parce qu'à un moment donné, il faut dire que je suis un des derniers arrivés. J'ai plus de facilité à observer ce qui s'est passé chez autrui et me rendre compte qu'il y a beaucoup de MTS qui sont apparus parce qu'il y a eu quelque chose. Je vais fouiller dans les annales psychiatriques de l'avenir et je découvre des pathologies. Je reviens maintenant ici et j'explique à l'humain le danger du MTS. Maintenant que l'ego est instruit, l'ego va, astralement, on va essayer de le manipuler différemment. On élimine donc les MTS. L'intellectualisme, quand je rencontre quelqu'un qui fait mon séminaire, qui est un intellectuel, tout au long de tout ce que je vais lui dire, il accroche pas, il trouve ça intéressant, mais c'est juste de l'intellectualisme, c'est juste pas pratique, c'est juste... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la forme, et la forme, on doit s'en servir. Quand notre intellectualisme devient mental, du jour au lendemain, subitement, il voit la vie comme il la voyait lorsqu'il était intellectuel, mais là, maintenant qu'il a accès à de l'information différente que l'information du plan astral, là, il commence à dire, oui, c'est des formes, mais il faut s'en servir. Oui, c'est des concepts, mais un concept ne veut pas dire que c'est faux. Un concept veut dire que c'est une vision limitée et peut-être colorée d'une réalité. Alors, le concept, on va le conserver, mais on n'accroche pas spirituellement dessus, mais on le conserve. Et il va maintenant être capable de revivre comme il vivait à l'époque de sa spiritualité, mais il n'est plus spirituel, il est présentement supramental, il n'a plus la souffrance, mais il n'a plus non plus le risque que de se perdre dans l'intellectualisme en devenant un MTS. Donc, il a maintenant accès à de l'information neuve que l'intellectuel n'a pas accès. L'intellectuel, tout ce qu'il peut faire, c'est ruminer constamment ce qu'il a, en essayant de placer de la logique là-dessus, en jouant avec des choses, et chaque fois qu'on vient lui amener de l'information nouvelle, il l'apprend, c'est mémoriel, et il logifère dessus, mais il ne peut se servir de rien de ce qu'il est, ni de ce qu'il a. C'est l'intellectuel. Et c'est pourquoi il devient, de temps en temps, un MTS, un martyr de la transition supramentale, parce qu'il se coupe totalement de la vie de l'instantané, et il préfère rester soit dans une copie conforme dépendant de l'ego, une copie conforme de celui qui est une antenne, ou simplement, il rejette, et la copie de l'antenne, il rejette tout ce qui échappe à sa logifération, c'est l'intellectuel, et maintenant, il se confine exclusivement dans ce qu'il peut logiférer, donc dans l'expérience sensorielle. Exemple, on va à un moment donné dans le bois avec un groupe d'échecs et il y a un intellectuel dans l'eau. Il y a des personnes qui entendent marcher. On peut suivre à la trace, le bruit. On voit les branches se briser, on voit les traces se faire à terre, mais on ne voit rien, à part le sol. Il y a, sur 30 personnes, il y en a 18 qui vivent l'expérience avec leur sens et eux vont donc considérer que c'est vrai. Alors, on en parle aux autres. Les autres vont se dire, ben, s'il y en a 18, puis en plus, c'est un tel, c'est sans doute vrai. Parce qu'eux autres, c'est pas des charieux. Et notre intellectuel, il va dire, ouais, ben, non, moi, j'y crois pas plus. Pourquoi? Parce qu'on parle encore d'élitisme, on parle de faire confiance, c'est que lui n'est pas capable de reconnaître l'intégrité mentale, donc les incapacités d'être manipulés astralement de ces individus-là, finalement, leur liberté de vision, leur manque de coloration, donc leur pureté de vision, et il ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce que lui ne l'a pas vécu avec ses sens. À un moment donné, notre intellectuel entend des bruits particuliers et par la suite, il dit « Ah, ben ça veut rien dire. » Pourquoi? Parce qu'il n'est pas convaincu qu'il l'a entendu là, il l'a peut-être entendu là. Alors, le sens vital ne faisant pas partie de la structure expérientielle de l'intellect, donc de l'astral, il doute pas encore. Jusqu'au jour où il va voir une entité brumeuse la nuit et il ne sera pas sûr s'il ne l'a pas vu là. Alors, il reste encore, il doute. Parce que l'intellectuel va dire, oui, mais si je le verrais, quand il voit, pas sûr qu'il voit. Si je l'entendrais, quand il entend, pas sûr qu'il entend. Alors cet intellectuel-là, évidemment, va trouver que tous les 18 autres sont une gang d'imbéciles. Parce que lui ne l'a pas vécu. Et la journée que l'entité bizarre va lui maudire son poing en pleine face, il va souffrir. C'est la souffrance de l'intellect. C'est qu'il ne peut pas l'accepter, mais il ne peut plus la rejeter. Il ne peut pas la comprendre, il ne l'a pas en égo. Alors là, il va venir me voir, il va dire « Qu'est-ce qui m'est arrivé? » Et là, il va voir qu'il se respiritualise pour être capable de supporter ce que je vais lui dire. Parce que vu qu'il ne peut pas le légiférer dessus, il ne l'a pas comme expérience ou comme information, il devra le prendre d'un autre, et le prenant d'un autre, nécessairement, ce sera de la spiritualité. Alors là, il sera vraiment mal pris, et le MTS peut apparaître là-dedans. Alors que subitement, il peut passer au plan mental, où là, il va reconnaître autre chose que ses cinq maudits sens limités physiques. Où il pourra considérer que même l'astral est un monde réel, que mon imagination est une réalité, que ce qui est imaginé n'est peut-être pas accessible dans la réalité visuelle, mais c'est une réalité qui peut-être n'est pas utile, mais c'est une réalité quand même. Le mental, ou encore celui qui devient mental, va maintenant être capable de se servir d'une expérience neuve, donc l'entonnoir expérientiel se rétrécissant vers la conscientisation. Le temps où tu n'acceptes plus ou presque plus l'entonnoir du passé, donc de l'information historique des autres, et le temps où tu vas t'ouvrir à de l'information supramentale, c'est l'intellectualisme, et c'est là que les gens peuvent décrocher, c'est là que tu deviens mental. Mais l'intellectuel, et MTS. Mais l'intellectuel, c'est parce que ses corps ne sont pas déployés, ou c'est parce qu'un égo trop fort, mais ses corps sont aussi déployés qu'un autre. Ses corps sont déployés. Mais il y a un ego qui est extrêmement puissant, mais il y a un ego pas nécessairement plus fort, c'est un ego qui s'est illusionné à un moment donné dans l'être sorti, et qui subitement redécouvre qu'il n'était pas sorti. Là, il va dire, là, c'est là qu'il commence à parler de subtilité. Ah, et moi, j'ai sorti de ça, et là, maintenant, je viens de voir les derniers bastions de la subtilité de la manipulation, et qui normalement va être soit les individus avec qui il se conscientisait, soit l'individu qui l'a conscientisé. Exemple, on est ensemble, on travaille sur un projet, puis subitement, paf, ma spiritualité du projet tombe. Qu'est-ce qui reste? Il reste soit la compréhension intelligente du projet, soit l'intellectualiste, et là, je vais me dire, crime, j'étais encore manipulé. Alors là, je regarde les autres, puis là, je leur dis, oui, mais là, c'est toute l'idiotie ce qu'on fait là. Ouais, c'est de la subtilité. Voyez pas comment subtilement on se fait encore ramasser. Voyez pas comment. Là, il parle de subtilité. C'est surtout là que normalement, l'individu qui est spirituellement à tendance supramentalisable bloque, devient MTS, il va donc travailler contre les autres, travailler contre des projets, travailler contre... Finalement, il va régresser dans le monde de la spiritualité normale. Dernièrement, j'ai rencontré une personne qui vient me voir et dit là, je t'ai observé, puis je me rends compte que tu étais un bonhomme mauditement intelligent. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est là, on a MTS d'en face. Et là, ce qu'il veut me dire, c'est pas intelligent dans le sens intelligent, dans le sens rusé. Débilement rusé, hypocritement rusé, là, génialement hypocrite. Là. Bon. Alors là, il me dit, tu manipules subtilement, maudit. Pourquoi il vient me le dire? Parce qu'il doit se prouver que lui, il le sait, que lui peut tomber là-dedans. C'est l'MTS. Alors je lui dis, on n'a rien à se dire. Pourquoi on n'a rien à se dire? Parce que là, un instant, là, il a peur qu'il manque un morceau. Là. D'un coup, je l'ai manipulé quelque part et il ne l'a pas vu. Là. Ça va pas, là. Ça marche pas comme ça, là. Et là, ça va être... tu sais que tu manipules tout le monde. Ben oui. C'est subtil, c'est écœurant. Moi, maintenant, je m'en suis sorti, là. Moi, ça marche plus maintenant sur moi, là. Alors, pourquoi tu viens me parler? Ah, rien que te le dire, mais... Il n'y a plus rien, là. Là, ce que je lui explique que, vois-tu, pendant toute ta vie, tu as pensé que les politiciens étaient là pour aider le peuple. Maintenant que tu deviens politicien, tu arrives à la table, puis tu dis... C'est des chieux. Puis là, tu représentes dans le peuple, là, tu penses que t'es meilleur qu'un autre. Maintenant que t'es rendu en politique, là, deviens donc politicien, ferme donc ta gueule. Le peuple a besoin d'un gouvernement comme on l'est. Puis le peuple s'illusionne que le gouvernement est X, Y, Z. Maintenant que t'arrives à l'ouverture de ta conscience, que t'en arrives à découvrir comment ça marche, puis les politiciens ont toujours dit, « On se fout de vous autres! On veut des électeurs! » Toutes les femmes le disent! Ah, monsieur le maire... Il y a une maladie grave. Ah, pas grave. Ah, mais ça tue des électeurs. Oh, oui. Ah, oui. Là, un instant, oui, je vous écoute. On le sait. Puis la journée, que ce que tu sais, tu découvres que c'est ça. Bref, que finalement, ils t'ont jamais menti dans l'important. Ils t'ont toujours menti dans ce que tu voulais qu'ils te mentent. Ils te donnent des promesses que tu veux. Puis on sait qu'un politicien ne tient pas ses promesses, tout le monde le sait. Donc, il te ment pas dans l'important. Il te ment dans le reste, dans l'accessoire. La journée que tu découvres que ce que tu savais, c'est ça. Danger de devenir MTS. Pourquoi? Parce que là, tu espérais ci, tu espérais ça, et finalement, tu dis, oui, mais on a toujours pensé que vous étiez... C'est votre problème. Mais on vous a toujours dit qu'on manipulait. Ah ouais, mais c'est écœurant. On s'est toujours dit que c'était écœurant. Le MTS arrive là, et là, il n'y a à peu près plus rien à faire, c'est-à-dire que là, il s'en retourne, refusant toutes les lois qu'il découvre maintenant, parce que il n'a pas l'information pour comprendre plus loin. Alors, il rentre maintenant dans la Ligue majeure et il décide qu'il va faire sa Ligue majeure à lui, où il sera le sauveur de la gang de poissons en bas, parce qu'il va maintenant aller les avertir, les informer que ça, c'est ça. Bon, c'est un peu comme les mouvements pacifistes à un moment donné qui veulent informer le peuple qu'on a des bombes nucléaires. C'est quoi le danger? C'est pour lancer ses ennemis. T'as rien, pas de danger pour nous autres. Ah, on a tout découvert, nous autres, on a tout découvert. Ils vous disent qu'il n'y a pas de danger, puis ils se préparent à une guerre. On a tout découvert, nous autres. Là, on va en campagne. Et si on se désarme, ben les ennemis, eux autres, ils n'ont pas de problème. Ils vont nous attaquer, ils vont venir nous planter. Le MTS, donc, travaille relativement rapidement contre les autres, et c'est l'intellectuel. Par contre, l'intellectualiste, qui à un moment donné rentre dans un autre plan du mental, recommence à retrouver le sourire, recommence à aimer le gâteau. Pas je dis, ouais, mais tu sais, c'est un concept de goût. Non, là, il recommence à trouver le gâteau. Il recommence à aimer jouer. Il recommence à reprendre goût à la vie. Et là, les autres, les MTS, vont dire, ça y est, il est retombé en bas. Mais non, oh, c'est ça. L'apparence. OK. Ça, j'ai du point de vue de du MTS, le mental est redevenu spirituel. Oui. Mais c'est ben, pas vrai. Il faut bien, c'est comme n'importe qui. Moi, je peux pas. Un égo ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre soit mieux que lui. Donc, pour le supporter, il devrait le mettre en bas. Mais du point de vue de l'efficacité, c'est vrai que le mental est efficace, est encore plus efficace que le spirituel. C'est le MTS qui n'est pas efficace. Absolument. Par contre, tout comme la confiance, je parlais de la confiance au début, donc ce n'est pas le mot confiance qu'il faudrait mettre. Confiance est spirituelle. Mais du point de vue du mental, c'est quel mot, quel concept qu'on mettrait au lieu de confiance? C'est une union, c'est une télépathie. Ce n'est pas une confiance, c'est simplement une connaissance, un savoir. Moi, je sais que la façon dont tu es programmé, tu ne peux pas manquer à ta parole. Ce n'est pas une confiance, c'est un savoir. Alors, lorsque, à un moment donné, les êtres humains arrivent à un certain niveau mental, on doit s'assurer de placer des inhibitions de déformation, d'évolution, des inhibitions vers le MTS. On doit placer des paramètres de programmation pour s'assurer, ce n'est pas la confiance, pour s'assurer que les individus avec lesquels on travaille ou on vit sont programmés pour ne pas devenir inefficaces ou pour ne pas faire défaillance à une structure qu'on a établie. Autrement dit, si je travaille avec toi, je dois m'assurer de ta programmation et tu dois t'assurer de ma programmation. Autrement dit, je peux dire à des individus, c'est évident que si on veut travailler ensemble, il faudra qu'on s'assure qu'on ne se pilera pas sur les pieds les uns les autres et que du moment qu'il va se passer quelque chose de bien, qu'il n'y a pas un en rapace qui va se l'approprier et sacrer son camp avec. Il va falloir qu'on crée une structure pour se l'assurer. Sinon, il n'y a même pas d'intelligence de vouloir progresser ensemble. On va progresser séparément. Et le MTS, lui, ne refuse totalement, premièrement, qu'on implante chez lui une inhibition MTS ou une structure de paramètres qui va faire qu'il ne peut pas trahir les autres. Il le refuse. Et il ne croit pas, il ne peut pas le croire, parce que ça le ferait souffrir, il ne croit pas que ça se fait chez autrui et que c'est efficace et sûr. Parce que s'il pourrait croire que ça se fait, que c'est efficace et sûr, ben il devrait changer et l'accepter chez lui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un humain dévie? C'est son ego. Donc, ce que je dis moi, c'est qu'on doit placer des structures programmatives dans l'ego. C'est pas votre mental, c'est votre ego le problème. Donc, si c'est pas votre mental, si votre mental comprend l'intelligence de pouvoir s'assurer autrui, il comprendra aussi l'intelligence qu'autrui veut s'assurer de lui. Alors, il devra accepter qu'il place mentalement dans son ego les mêmes structures d'assurance qu'on va placer dans autrui. Et quelles sont les structures d'assurance? Ben, les structures d'assurance, je donne un exemple. Tu es avec un bonhomme, vous décidez d'avoir un enfant, ben, faut qu'il y ait une structure d'assurance qui va faire en sorte que si vous décidez de ne plus rester ensemble, que sans aller à la cour, que c'est évident que l'autre qui n'aura pas la garde de l'enfant, ou vous allez l'avoir une fois par année, mais c'est évident que celui qui ne l'a pas ce temps-là continue à supporter l'autre simplement parce que c'est évident et c'est logique. Donc, ça, c'est une assurance. Une assurance qui ne se déploie qu'au niveau du mental. Qui se transmet par la parole. Qui se transmet par la parole, qui se transmet par l'évolution aussi, c'est-à-dire que ça se développe. Plus le mental se sépare, plus l'intellect mute en mental et plus le mental se sépare de l'astralité, de la spiritualité, plus le mental, d'une façon évidente, programme l'ego. Autrement dit, À un moment donné, je me lance dans une opération et je prends deux individus et les deux individus sont mentales, donc à conscience supramentale ou supramentalisable. Nous nous associons ensemble juste par le fait que nous allons dire, bon, alors on s'associe? Oui. Bon, on peut se faire confiance? Oui. Immédiatement, le mental place ses inhibitions au niveau de l'ego. C'est instantané. Alors, parfait. Donc, on peut se serrer la main. Et immédiatement, les inhibitions sont placées. Nous trois, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se voler les uns les autres. La journée où moi, je ne peux plus suivre mentalement, je vais rencontrer les deux autres personnages et je vais leur expliquer que là, je ne peux plus. Alors, selon l'entente, on devait faire ça jusqu'à temps que ça aboutisse. Ça aboutit pas, mais je ne peux plus. Mais là, la personne ne s'est pas poussée, là. Et elle vient demander la permission. Ce n'est pas de l'esclavagisme. Il faut qu'à un moment donné, l'élite puisse parvenir à codifier sa fonction de fonctionnement. Alors, je reviens et je leur dis que présentement, je demande votre autorisation pour me retirer. Alors, les personnes sont mentales, donc ce n'est pas des esclavageurs. Alors, ils vont simplement étudier qu'est-ce que ça va nuire. Ils vont dire, bien, pas tout de suite, on a encore besoin de toi pour 3 mois. Mais là, OK, on va s'enligner pour remplacer. La personne, 3 mois, elle va rester. Et moi, je sais qu'elle va rester. Je n'ai pas besoin de m'en faire. C'est pas un trou de cul. C'est pas l'animal humain qui, du jour au lendemain, peut s'en aller. L'animal humain va rester. C'est pas plutôt un trou de cul, un intellectuel ou un trop évolué, là, ou en phase d'évolution, mais pas assez, puis trop, qui, n'importe quand, peut décider que, ah, ben après tout, c'est la manipulation. Pas, j'ai pas besoin de me sentir coupable. Moi, ah, non, moi, tu sais, l'argent, je le garde, puis je le parle plus, aussi, là. Et là, il n'y a plus un être humain qui va arriver à travailler ensemble. Mais c'est pourquoi la majorité de ceux qui se conscientisent, à un moment donné, éclatent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus travailler les uns avec les autres, parce qu'eux se disent, moi, libre comme je veux rester libre, personne ne peut me faire confiance. Donc, je ne peux pas faire confiance non plus aux autres, ils sont comme moi. Alors, à un moment donné, on décide de se retrouver seul dans son coin ou on se remet à travailler avec des animaux qui, eux, sont programmables. Tu sonnes la cloche, ils viennent bouffer, bon, etc. Non, mais le MTS est encore plus en prison qu'il était auparavant. Le MTS, qui se croit libre, est effectivement beaucoup plus pris. C'est pourquoi le MTS va faire partie des derniers à atteindre la conscience supramentale. Tu prends deux personnes mentales et un MTS qui prennent une entente comme ça. Et le MTS, tout à coup, il est pas fiable. Il respecte pas l'entente. Non, parce qu'il est pas assurable. Oui, c'est ça, mais les deux personnes mentales, avant qu'ils... Mettons que le MTS devient mental, là, avant qu'ils fassent confiance, il y a un phénomène comme ça dans les personnes mentales. C'est qu'une fois tu leur as failli une fois, leur confiance est très dur pour oui. Eux de refaire confiance. Parce que c'est presque pas sacré, le mot. Il faudrait trouver un autre mot. Oui, ça serait... Il m'en vient pas d'autre. Justement, il y a pas de vocabulaire encore qui est descendu. Ben, ça va venir. Oui. Bon, mais c'est ça, mais qu'est-ce que ça? À un moment donné, on a travaillé avec des MTS qui sont susceptibles de devenir mentaux. Comment faire pour déplacer dans l'inhibition de l'ego la non-confiance qu'on leur a mis? Placer une autre inhibition. Qui serait? Qui serait celle de ne jamais faire confiance aux inhibitions. Mais non, mais ça marche pas, parce que si tu fais oui. Ça, les autres inhibitions que tu mets... De ne jamais faire confiance. Faire confiance. Tu peux pas t'éliminer. Donc, quand je rencontre un ex-MTS, il vient me parler... Je juge immédiatement à sa parole, à sa voix. Je laisse des petites choses aller selon ses réponses. S'il n'est plus MTS, il va aussi accepter que je ne lui fasse pas confiance. Il va accepter que je le vérifie. Il n'y a plus aucun problème. Et s'il accepte ça, c'est que de toute façon, il n'est plus MTS. Donc, pour moi, c'est une garantie. C'est comme si je dis à un MTS, est-ce que tu m'autorises à vérifier à quel point tu es intelligent? La personne dit oui. C'est déjà au trois quarts vérifié. Très rapide. C'est très rapide. Et on vérifie les choses. Maintenant, moi, je peux quand même lui dire, je suis d'accord, mais je m'attends à ce que l'état où tu es présentement ne soit pas encore cellularisé. Donc, tu peux faire une rechute. Donc, je t'avertis pareil que tu n'es pas entré totalement dans la maison. Je te fais visiter, mais sans toi comme un invité. Sans toi pas comme un propriétaire. Je préfère te le dire. Et à un moment donné, bien... Sans doute que tu deviendras propriétaire comme tout le monde, sans qu'il y ait de problème, un membre de la famille. Mais présentement, je t'avertis que je te considère comme un invité, puis pour l'instant, c'est comme ça. Le MTS va dire, ben, c'est aucun problème. J'arrive quelque part où c'est déjà structuré, c'est normal que je sois un invité de toute façon. Mais j'arrive pas là, bon, je suis sauveur, j'arrive, c'est parfait, je suis là. C'est où ma chambre? C'est dans le salon, tu couches, là. Pas dans le salon! C'est quoi cette affaire-là, ici, là? Non, là, c'est mon ami, minute. Lequel intérêt tu as à travailler? Parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont mentales. Il y a beaucoup d'MTS qui sont mentales, MTS en avant. Mais là, c'est comme faire un pas en avant puis deux en arrière. C'est comme, mais c'est pas ça. Il y a quand même beaucoup d'énergie perdue. C'était pas mieux d'attendre, puis là, tu dis. Parce que de toute façon, comment tu dis que c'est du jour au lendemain qu'un MTS devient mental? Mais est-ce que toi, tu sais une façon de provoquer pour que ce soit plus rapide? c'est qu'il y a deux formes d'attente. Il y a une attente qui est extrêmement longue et plate, puis il y a une attente qui est extrêmement rapide et plaisante. C'est ce que je fais. Puis il n'y a pas d'énergie perdue à... Absolument pas. L'énergie circule, de toute façon. Alors que tu sois assis sur derrière ou que tu sois en train de courir, l'énergie, elle passe pareil. L'énergie la plus importante, c'est le temps. Les heures coulent à la même vitesse à travailler ou à rien faire. Donc, tu économises du temps. Oui, par contre, c'est beaucoup plus plaisant, sans doute, de travailler quelque chose. Alors, le MTS, mental, MTS, mental, MTS, mental, ou un projet que tu mets sur pied pour vérifier si c'est le temps. Le projet ne fonctionne pas parce que c'est pas le temps. Tu en mets un autre sur pied, tu en mets un autre sur pied, tu en mets un autre sur pied. Bon, ben, c'est ça occupe. Parce qu'actuellement, tu es dans l'élite, il y a plusieurs invités. Oui. Qui peuvent se penser. Il y a plusieurs invités. Qui crient, puis que, où est-ce que ma chambre? Puis... Ils ne sont pas membres de la famille, c'est ça. Il y a plusieurs invités. Donc, c'est pour ça que le travail ne se fait pas aussi rapidement qu'il pourrait se faire. Qu'il pourrait se faire, oui, effectivement. Pas qu'il devrait se faire, mais qu'il pourrait se faire. C'est pourquoi on continue à placer de l'énergie, on récupère du temps, on avance, on informe les égos. Quand les égos étaient informés des problématiques, des structures, des dangers, des ceci, des cela, se font de moins en moins ramasser. C'est l'important. Les égos doivent aussi accepter de se faire reprogrammer par le mental, pas nécessairement par moi, par un autre, par leur mental. Mais c'est déjà, l'ego doit accepter de se faire reprogrammer par son mental. Si un ego accepte de se faire programmer par quelqu'un d'autre, il est fin prêt pour se faire reprogrammer par son mental. Si l'ego n'accepte pas de se faire programmer par quelqu'un d'autre, qu'il reconnaît comme étant mental ou supramental, il n'accepte pas de se faire programmer par son mental non plus. Quand un individu vient me voir, il me dit « Bon, je suis prêt, programme-moi, là, je suis prêt à tout lâcher, là, j'ai bon. » Ben, il n'y a aucun problème. Continue à faire ce que tu fais. Le mental de l'individu devra programmer l'individu. Qui connaît mieux l'ego que le mental qui est venu au monde à partir de cet ego-là? Alors moi, je ne prends pas de temps à perdre. Et de toute façon, si je veux le reprogrammer et que son ego est prêt à ce que je le reprogramme, nécessairement son ego est prêt à ce que le mental le reprogramme. J'aime autant laisser le travail au mental, une délégation qui est correcte. Si par contre le mental, si l'ego n'est pas prêt à ce que le mental le reprogramme, de toute façon, c'est du temps que je vais perdre avec lui parce qu'il fait semblant d'être prêt, mais il n'est pas prêt à ce que je le reprogramme moi non plus. Finalement. Donc, le signal, c'est quand il est prêt à accepter une hétérodiscipline. L'hétérodiscipline passe avant l'autodiscipline. Oui, à l'instant où il est prêt à accepter une hétérodiscipline, il est fin prêt pour accepter une autodiscipline, donc une discipline interne. Parce que, qu'est-ce que c'est une hétérodiscipline? On va dire aux individus, on décide qu'on se met en forme. Parfait. Avec une toute une gang de foireux, on va prendre quelqu'un, on le mettre comme chef. Lui nous réveille le matin à 6h, puis on le suit. Et c'est l'hétérodisciplinaire. Alors, on choisit une personne. Parfait. Puis on lui dit, fais ça comme tu veux. Parfait. 3h du matin, c'est pour ça qu'on pensait. C'est l'hétérodisciplinaire. À ce point, elle dit, debout tout le monde, vous courez, moi je cours pas. Je vous regarde faire. OK. C'est de l'autodiscipline d'accepter l'autre. C'est vrai. Donc, en partant, si on est prêt à l'hétérodisciplinaire, on est prêt à l'autodisciplinaire. Mais évidemment, on parle toujours d'une discipline qu'on choisit. C'est-à-dire que si je t'accroche, puis je te mets dans l'armée, puis tu n'as pas le choix, c'est pas un t'auras pas d'autodiscipline. Il va s'en développer une lentement. C'est une autodiscipline qui choisit une hétérodiscipline qui redevient une autodiscipline. C'est ça. Si on décide qu'on veut faire une chose, mais qu'on sait qu'on a encore de l'ego foireux là, on mandate un hétérodisciplinaire, mais c'est nous autres qui sommes suffisamment disciplinés pour le faire. Donc, automatiquement, tout ce qu'il va faire, lui, ne nous rend pas esclaves, nous libère. Donc, c'est l'inhibition qu'on met dans l'ego, pas que l'ego pense que l'autre le manipule. Ben oui, je décide que je veux arrêter de fumer, fait que tu fumes pas, toi. Bon, je te mandate pour m'aider. Il va être sur mon dos. Il manipule. Oui, il manipule par autorisation. C'est moi qui me sers de lui pour m'en sortir. Donc, le MTS, ça qu'il n'a pas compris, c'est qu'il n'a pas autorisé... C'est pas ça qu'il n'a pas compris. C'est une des choses qu'il n'a pas compris. OK. Une des choses qu'il n'a pas compris, c'est qu'il n'a pas autorisé l'hétérodisciplinaire à l'autodiscipliner. Donc, il n'y a pas assez d'autodiscipline. C'est ça, au départ, il n'y a pas d'autodiscipline. Alors, on fait une pause, puis on revient.